Écoute, ça s'est passé dans Hashtag. Toujours en direct dans cette émission paranormale. Ce soir, on va parler fantômes, on va parler expérience un petit peu spéciale. On rappelle, Romain est avec nous, il est passionné de paranormal et toute l'équipe est là. Et puis, on va tout doucement commencer par se raconter nos histoires paranormales vécues. Xavier, on commence par toi et puis dans quelques minutes, on aura quelqu'un au téléphone qui va également interagir avec nous. Explique-nous ton histoire. Ah, c'est une histoire vraiment qui... On rappelle, c'est des histoires vraies. Des histoires vraies qu'on a vécues, nous, proprement. Eh bien, figure-toi que... Eh bien, figure-toi que j'avais certainement 10, 11 ans, 12 ans, bref. Ouais, ça fait 7 ans, quoi. Ouais, plus ou moins. Et donc, j'étais dans ma chambre. Hein. Ma mamie était décédée déjà il y a quelques années. Hein. Ouais. Et je sais pas, j'ai voulu parler comme ça avec la personne. Je sais qu'elle était pas là, hein, mais j'avais envie de parler avec elle. Et puis, j'ai vu une personne qui est médium. Bon, qu'on y croit ou n'y croit pas, ça c'est... Oui, aujourd'hui on raconte qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, on vous partage l'expérience et on n'invente rien. Maintenant, en tout cas. Ouais. Mais moi, j'ai eu la chose que maintenant j'y crois un petit peu quand même aux personnes qui sont médiums. C'est-à-dire que la personne... qui est mon cousin, je l'ai croisé et quand il est venu une fois chez moi, il m'a dit, j'ai vu ta mamie et elle m'a dit ceci. Et les mots qu'il m'a sortis de sa bouche, c'est exactement ce que je lui avais dit. Pourtant, lui n'était pas là dans la chambre où j'étais. Donc voilà, c'est quand même une histoire qui fait un petit peu frisson dans le dos. Comme quoi que les personnes défunts, hein, qu'on connaît très bien, que ce soit nos mamies, nos mamans ou autres personnes, eh bien elles sont toujours là en fait. Voilà, exactement. Mais voilà, donc c'était ton histoire paranormale. Ouais. On rappelle dans quelques instants, on va jouer un jeu où on va devoir raconter deux histoires, une qui est vraie, une qui est fausse, et on devra deviner laquelle est la vraie et laquelle est la fausse. Romain, est-ce que toi tu as, on rappelle, hein, donc tu es avec nous aujourd'hui, ceux qui ne te connaissent pas encore, oui. Passionné de paranormal, bientôt youtubeur, on peut le dire. Hein. Ouais, bientôt. Voilà. Un grand mot youtubeur. Et toi, est-ce que tu as aussi vécu une histoire paranormale? Ah ben oui, pas qu'une en fait, il y a bien longtemps. Non, je rigole. oui, un peu comme tout le monde, je pense. Hein, mais enfin voilà, mon père a une ancienne maison qui, figurez-vous, on a retrouvé un ancien carrelage datant du 15e siècle. Donc pour vous dire qu'elle est, elle est vieille. En fait, bah, plusieurs faits paranormaux se sont passés. Hein, ça peut être, par exemple, bah, voilà, on était enfant, on était en train de jouer avec mon frère et le voisin à un jeu de société sur la table du salon. Et puis d'un coup, eh bien, la télé s'est allumée. La télé s'est allumée, mais je vous rappelle les télés de l'époque. C'était les télés encore en tube cathodique, donc avec le gros écran énorme, bien pesante. Et donc pour l'allumer, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait appuyer sur un bouton. Clon. Pour l'allumer. On était juste en face. On allait bruitage et tout, c'est beau. Hein. C'est magnifique. Hein. Et donc, on a entendu ce bruit-là. Et la télé s'est allumée. Petite anecdote, s'est allumée sur Bob l'éponge. Voilà. Voilà. Voilà. Un autre fait dans le même style, on était dans la cuisine, j'étais en train de parler, c'était plus récent, il y a peut-être 7 ou 8 ans, j'étais dans la cuisine avec mon père, on était en train de discuter, et puis ben, la radio fonctionne, voilà, comme on laisse la radio dans une cuisine quand on discute, quand on cuisine ou quoi, juste pour mettre une petite ambiance tranquille quoi. On est en train de discuter, et puis d'un coup, le volume augmente d'un coup, on se regarde, on fait bizarre, quoi. On a l'habitude qu'il y ait des petits trucs un peu étranges de temps en temps, mais là c'était quand même, enfin, voilà, donc... Voilà, je me dis, bon, rien à faire, je me retourne, je diminue la radio, je me retourne dans l'autre sens, je recommence à parler, la radio se remet encore plus fort que la fois juste avant. Donc c'est des trucs comme ça qui sont assez étranges. J'étais en face, et je termine peut-être par là, il y en a d'autres, hein, maintenant on a la soirée peut-être, mais il y en a une autre, c'est que toujours dans la cuisine, j'étais en face de mon père, on discute, et puis d'un coup je vois que lui est en fait juste à côté de la porte d'entrée de la cuisine, et puis d'un coup il a un réflexe de hop, regarder sur sa gauche, comme s'il y avait quelque chose qu'il avait saisi. Puis je dis, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que tu viens de voir? Il dit, rien, je viens de voir comme une ombre. Et puis juste 30 secondes après, on entend justement la porte, ce sont les vieilles portes dans les anciennes fermes, où il faut soulever, et ça fait clang. Ah, toujours et avec ça, c'est le bruitage. Ouais. Ah ben voilà, écoute. Ça, j'ai les frissons. Là. Les frissons. Ah, allez, il y en a d'autres. Avant de passer à celle de Jérém, on va aller vers Claire. Toi, tu as vécu quoi de paranormal? Moi, ce que j'ai vécu de paranormal, je vous avoue que dans ma famille, enfin, mon père est courtier en assurance et c'est quelqu'un de très, méthodique. Oui, voilà. Enfin, il ne croit pas. Rationnel. Il est très rationnel. C'est quelqu'un de très rationnel. Et c'est pas vraiment une histoire, mais quand je lui ai demandé, un jour on en parlait, et quand je lui ai demandé s'il y croyait, etc., il m'a dit qu'effectivement, on ne savait pas tout expliquer, et qu'il avait déjà des clients chez qui des phénomènes, surtout des phénomènes de poltergeist, je ne sais pas si, si tout le monde sait ce que c'est. C'est les esprits frappeurs, en fait. C'est quand tu entends des bruits dans les murs ou des coups de poing, enfin des objets qui tombent, etc. C'est vraiment les esprits qui se manifestent par les objets ou par des sons. Et donc, il m'a dit qu'il avait des clients qui avaient déjà vécu ce genre de choses et qu'il avait assisté à ce genre de choses-là. Et c'est ça que j'ai très peur depuis. Mais moi, personnellement, je n'ai jamais eu vraiment d'histoire paranormale. Ce soir, hashtag est en mode paranormal. Et je vous le disais, Laetitia est avec nous par téléphone. Salut Laetitia. Salut. Comment tu vas ? Ça va. Et alors, toi ? Ça va très très bien. Alors Laetitia, tu as 19 ans, si je ne me trompe pas, et tu viens de Bruxelles. Et toi, tu as vécu... j'ai 20 ans. Ah, tu as 20 ans. Voilà, excuse-moi. Tu as 20 ans et tu viens de Bruxelles. Alors, tu as vécu, toi aussi, des histoires paranormales. Oui, exactement. Ben... j'en ai plusieurs, mais il y a deux grosses principales. C'est en fait un jour, je devais avoir 10-11 ans, et je dormais chez une amie. On faisait une petite soirée comme on faisait quand on avait 10 ans. Et on était tout seul dans la maison, on regardait la télé tranquille, et à un moment, en fait, on entend des bruits dans la chambre des parents. Mmh. Parce que les parents n'étaient pas là, donc on entend des bruits de pas. On se dit, oui, c'est nous qui entendons ça, c'est pas grave. Sauf que ça continue, donc on décide de monter voir en haut. Il n'y a rien, bien sûr. Ensuite, on redescend. Et là, juste après nos pas, on est tout en bas et on entend des pas dans les escaliers. Donc on entend la chambre plus les escaliers qui grincent, qui font des bruits de pas. On décide de tout retourner voir les escaliers. Et pendant qu'on était tout occupé à voir les escaliers, il y a le ventilateur qui s'est mis à tomber, la TV qui s'est allumée et la radio qui s'est allumée à fond. Et bien là, comme on se dit, on a tout flippé, on a tout éteint et on a regardé si ça se reproduisait. Bien sûr, ça ne s'est pas reproduit. Mais sur le moment, cette histoire-là, on a vraiment flippé. Et quand je suis rentrée le lendemain chez mon père, c'est vrai qu'il s'occupait de la zone de Montgomery à l'époque et était inspecteur de police. Et il m'a montré tout un document par rapport à cette maison en disant qu'il y avait une famille, enfin une mère et ses enfants et le père, je pense qu'ils étaient décédés dans la maison, ou quelque chose comme ça. Et exactement dans la pièce de la chambre des parents, et le père avait été retrouvé dans les escaliers. Voilà. Ah oui, mais c'est pas mal. Là, on est sans voix, là. Ouais. Et en plus, c'est pas un seul signe que t'as eu, quoi. C'est plusieurs d'un coup, donc ça doit être encore plus flippant. Mais le pire, c'est qu'elle n'avait jamais rien eu. Et en fait, c'est comme si j'attirais un peu... Mon homme me croyait pas du tout au début, parce qu'on a dû avoir une histoire à deux pour qu'il commence à me croire, parce que je disais, depuis que je suis petite, il y a des choses comme ça qui m'arrivent alors que ça arrive jamais aux gens et quand je suis avec ça se passe. Et tu es l'élément déclencheur, on va dire. Oui, il faut. Pardon ? Oui. Tu es l'élément déclencheur, comme je disais. Et pareil... Oui, bah, je pense. Ah, Romain, on va dire notre expert paranormal aujourd'hui. Expert. Bonsoir Laetitia. Oui. Eh bien. Tu as raison dans ce que tu dis, c'est qu'effectivement il y a des personnes qui attirent depuis tout jeune en fait des entités qui sont soit positives soit négatives. Maintenant, en fonction des faits qui se passent, effectivement, on est plus ou moins, ouvert en fait au dialogue avec les entités. Donc c'est-à-dire que peut-être que tu as en fait ce don quelque part pour pouvoir passer un message, peut-être rendre service à des personnes ou enfin voilà. Mais ça, voilà. Maintenant. Parce que j'ai une histoire aussi en rapport avec ça. Enfin, c'est quand j'ai emménagé dans mon appartement, par exemple, avec quand mon premier fils est né, quelques mois après, donc sa chambre est restée vide très longtemps. On a emménagé sa chambre, on a fait sa chambre, et on laissait tout le temps la porte fermée, en fait. Et un jour, en fait, on l'a mis dans sa chambre, ça faisait un petit mois qu'il dormait, mais il dormait jamais très bien, en fait, dans la chambre. On laissait généralement la porte toujours ouverte, et tout le temps, on retrouvait la porte fermée. Mmh. Et un jour, on s'est dit, on va observer, tout simplement, et le jour où on a décidé d'observer, mon fils s'est mis à hurler comme s'il avait vu quelque chose, enfin paniquer. On dit que les enfants sont plus sensibles généralement à tout ça. Tout à fait. Et mon fils s'est mis à hurler. Enfin, mon homme et moi, on s'est levé en disant mais il a mal, enfin il a peur, il y a quelque chose. On l'a pris, impossible de le calmer dans la chambre. On a dû le sortir de la chambre. Bien évidemment, la porte était de nouveau fermée. Mmh. Et là, en fait, j'ai regardé et j'ai dit à mon homme, j'ai dit mais je me sens pas bien, j'ai des frissons. Quand je rentre dans certaines pièces, j'ai des frissons dans tout le corps. Enfin, oui. Je le sens en fait. Et j'ai juste dit, c'est ma chambre de mon fils maintenant, est-ce que vous pouvez le laisser tranquille ? Et depuis ce jour-là, on croit pas, il sait plus rien passer. La porte reste fermée ou reste ouverte quand on l'ouvre ou quand on la ferme. C'est incroyable, quoi. Ouais, bah, Romain, on peut comme ça nous-mêmes communiquer directement avec les esprits ou c'est des spécialistes qui font ça ? Alors non, je pense qu'on a tous la possibilité de le faire. Maintenant, nous ne sommes pas réceptifs à tout cela. Donc tout le monde ne peut pas le faire. Il faut être assez ouvert, je pense. D'un côté psychologique, d'un côté peut-être croyance ou non. Je pense que ça n'a aucun rapport. On peut ne pas être croyant et être réceptif aux entités et aux ondes. On ne parle pas spécialement, je pense, d'esprit. Ce sont des termes un peu forts, un peu choc, un peu creepy comme on dit. Mais je pense qu'il faut parler d'entités positives, entités négatives, et je pense qu'effectivement on les partage. On partage notre monde avec ces entités. Et je ne sais pas, Laetitia, si ton fils il a déjà l'âge de parler. Maintenant oui, mais à l'époque non, pas du tout. Et il ne t'a jamais, enfin, il a peut-être aussi la même chose que toi. Est-ce qu'il n'a jamais dit des choses qui te laissent penser que lui aussi il peut avoir un contact avec des esprits, des entités? Mais c'est difficile à dire parce qu'en fait on a beaucoup l'impression, enfin là maintenant j'ai deux fils et donc il y en a un qui a pas du tout, enfin c'est encore un tout petit bébé, mais déjà mon plus grand à son âge, c'est par exemple qu'il fixait certains endroits et il souriait, enfin comme c'était s'il voyait étrange. Vraiment quelque chose. Mm-hmm. Et quand par exemple il y avait des moments où on allait visiter des endroits, on allait chez de la famille ou quoi, il disait à mon homme, je me sens pas bien là tout de suite. Et en une fois, on voyait mon fils qui regardait, qui souriait. Donc, je pense qu'à mon avis, il ressent quelque chose, parce que moi, j'ai pris ça de mon père, qui est mon père aussi, à ça. Donc, je pense que l'un de mes fils l'a, et je pense que c'est mon grand. Après, est-ce que ça va continuer ou pas ? Peut-être être attentif, parce que c'est vrai qu'on disait que les enfants sont peut-être un peu plus... Comment ? Sensibles ? Réceptifs. Ils sont beaucoup plus ouverts d'esprit. Ouais. Donc, je pense qu'ils sont beaucoup plus réceptifs à tout ça. Donc, après... Moi, j'ai une question pour toi, Robin. Parce que tu disais que... J'ai dit Robin, c'est Romain. Oui, mais ça, voilà, on s'est compris. Hein. Ah, j'ai cru que tu parlais du nez, moi. Je m'appelle Romain, mais je viens pas d'Italie, rassure-toi. parce que tu disais que voilà, il y en avait qui étaient beaucoup plus réceptifs aux entités négatives et d'autres aux entités positives. Maintenant, ceux qui sont plus en contact avec des entités négatives, pourquoi on explique comment cette différence-là d'attirer plus de positifs et d'attirer plus de négatifs ? Tout dépend, je pense, du caractère de la personne, puisqu'il y a des personnes qui sont plus enclines des fois à être, attirer le négatif, parce que des fois il y en a qui le cherchent. Parce que par tout ce qu'on voit à la télévision aussi, hein, tout ce qu'on entend comme émission, tout ce qu'on parce qu'on vit dans un monde où on aime s'intéresser à tout ce qui est angoissant, tout ce qui est peur, parce que l'inconnu fait peur à l'humain en fait. Et donc il y a des fois des signes, des poltergeists comme tu disais tout à l'heure. Donc poltergeist qui signifie donc des signes vraiment souvent méchants, hein, ceux-là. Poltergeist souvent... pas spécialement. Hein. Poltergeist peut-être, comme je le disais tout à l'heure, une télévision qui s'allume. Le volume qui augmente de la radio. Donc voilà, vous êtes peut-être en train de nous écouter, paf, ça augmente d'un coup, c'est pas notre faute. Mais un poltergeist, c'est un fait paranormal en fait qui se produit instantanément. Après ça, il y a des manifestations qui sont beaucoup plus régulières, et là ça devient ça devient inquiétant, quoi. Maintenant on va parler de faits inquiétants, comme par exemple, je vais prendre un cas, si on a encore, je sais pas, un peu de temps. Ah oui, vas-y. Je vais prendre un cas qui est un petit peu plus stressant. Bien, un babyphone qui va, vous avez votre enfant, c'est un fait réel qui s'est passé, je ne citerai pas de nom, mais une compagne et son conjoint ont un enfant. Et cet enfant se situe dans la chambre. Il dort, mais bizarrement, le babyphone commence à entendre un bébé. Les bruitages, merci Max. Non, mais on commence à entendre un bébé qui pleure. La femme de se retourner vers son conjoint et de dire d'un air froid, c'est pas mon bébé. On vit à la campagne, au milieu de la campagne. Aucun bébé autre que celui-là dans le village. Pas d'appart à côté, rien. On est vraiment avec 5 maisons dans le village et pas d'autres enfants. Après, ça peut s'expliquer aussi par des interférences ou des radios, des signaux. Si on s'attache au rationnel, oui. Et puis après, ils sont montés, ils ont été voir, effectivement, le bébé dormait à point fermé, et c'est impossible, puisque quand ils sont descendus, ça pleurait toujours. Voilà, des choses comme ceci, on s'inquiète un petit peu. Évidemment, je vais avoir tendance à réfléchir vers, justement, des relations. Des choses rationnelles, je vais y arriver. Ce soir, hashtag est en mode paranormal. Et oui, depuis 20h, on est ensemble, émission spéciale paranormale ce soir. Et Laetitia est toujours avec nous au téléphone. Allô, Laetitia ? Oui, allô ? Ah, on t'entend toujours. Alors, on va continuer notre tour des histoires paranormales. Et c'est à Jérémy de nous raconter la sienne. Jérémy, on est à... Allô ? Oui, ah, il est là, Jérémy. Ça va ? Non, ça va, oui. Alors, explique-nous un petit peu, nous, Jérémy, ton histoire paranormale. Ah, bah écoute, c'est très simple. Ça se résume en une phrase. Hein. J'étais chez moi, tranquille, et... Il y a eu un cadre qui a bougé de place pendant la nuit alors que tout le monde dort, tu vois. Ouais. Genre, c'est ça qui est space. Ouais. Rien de bien ouf, quoi. Bah, c'est pas bien ouf, mais genre, tu te réveilles le matin, tu sais, mon truc était sur la table de nuit. Ouais. Et le lendemain, il se retrouve dans la cuisine. Ah, il est pas juste tombé en ah ouais, mode... Ah non, non, non, non, non. Il est pas resté dans la même pièce. Non, non, non, non, il est tombé dans la cuisine. Ah ouais, donc ça, c'est... Et tu avais bu... Ça c'est fort probable aussi. Ça y est. Et ça va, c'est pas parce que je suis tout le temps en sourire. Ou alors est-ce que tu, je sais pas, non, tu t'es réveillé somnambule, tu l'as descendu. Non, non, j'ai pas impossible. De tendance somnambule. Non, mais je sais pas, c'était très bizarre. Et tu es toujours dans la même maison ? Oui. Bah, et moi, une question que je me pose depuis tantôt, parce que tu nous parlais de la maison de ton papa tantôt. Ouais. Tu vis toujours dedans ? Ah non, non, non, non. Non, ça va. Parce non, que, bah, ça peut mal. Hein. Parce que le jour où tu m'invites à boire un verre, désolé, je vais pas. Allez, Naïs, un tour de tes. Jérémy ? Juste pour finir, bah, oui, c'était très bizarre. Et puis, il y a eu aussi une fois, enfin, c'est très bref, hein, mais ma mère qui a une fois, plusieurs fois même, a vu le visage de ma grand-mère, donc sa maman, dans ses rêves. Donc, du coup. Tout ça est très bizarre. J'en parlais justement tout à l'heure de cette signification. Ouais, mais je sais pas si Romain, t'as un truc là-dessus, mais je sais pas. Voir des visages. Mais voir ça. Les visages des morts. Enfin, vraiment, c'est ma grand-mère donc qui est morte et mm-hmm. ma mère pendant plusieurs temps l'a vue et l'a hantée et. Et vu dans le noir ou vu sur un support bien précis. Ça, ou... je sais pas. Enfin, je t'avoue que moi, en couleur ou en noir et blanc. Ou... non. Non, mais le paranormal, c'est pas un truc auquel j'y crois énormément. Mais le truc, c'est que quand elle m'a expliqué le truc, c'était tellement hyper précis que j'étais en mode, c'est quand même chelou, quoi. Non, mais ça existe. C'est probable. On peut avoir aussi des personnes qui les voient plus souvent que de les entendre ou de les ressentir, en tout cas. Voilà, Anaïs, ouais. Toi, tu as vécu quoi comme histoire paranormale ? Alors, donc, c'est quand j'avais plus ou moins 6 ans. Du coup, c'était il y a très longtemps, j'étais petite, donc voilà, tout n'est pas hyper clair. Mais chez ma tante, un cendrier assez solide s'est fendu en deux net. Donc, il était au milieu de la table. Impossible qu'il soit tombé, impossible qu'il y ait eu une réaction. Il était vraiment fendu net. Et juste après cet événement, donc même pas une minute après, on téléphone à ma tante pour dire que notre grand-mère, donc sa maman, est décédée. Donc ouf. Voilà, on a toujours pris ça comme un signe part, voilà, je suis morte, hop. Mais il y a, ouais non, c'est chelou, enfin, c'est plus ou moins le même genre. Ouais. Et moi je me demande si, par rapport à ça justement, je sais pas si tu saurais définir ça, Romain, on revient à toi à chaque fois, mais... Ouais non, très bien, c'est notre expert. C'est voilà. Un peu notre expert, c'est bon hein. Connaisseur, alors je me demande, connaisseur, voilà. Par exemple, il y a des personnes où... Par exemple, leurs parents, leurs mamans qui sont attachées, certains garçons ou certaines filles sont attachées à leurs parents, à leur père ou à leur mère. Ou parfois, quand il y a des jumeaux ou des jumelles, bah, parfois... Est-ce que, par exemple, quand l'autre personne meurt, est-ce qu'on peut avoir des signes directement envers soi ou « Tiens, il y a quelque chose de bizarre, je me sens pas bien ». Et j'ai jamais eu cette sensation-là. Est-ce que peut-être ça a un lien avec ça ou pas ? Ça peut exister, oui. Maintenant, voilà, on va vouloir se rattacher au rationnel, encore une fois, et se dire que voilà, c'est lié à la tristesse, au souvenir, et que le psychologique joue beaucoup pour un être humain, quoi. Ouais. Mais tu parles de jumelles et tout ça, moi et ma soeur jumelle, bon, elle n'est pas décédée, hein, mais on a des connexions comme ça, Xavier, tu sais. Alors que, voilà, peut-être que si un jour une de nous deux décède, peut-être qu'on aura un lien, mais là, clairement... style, si elle va pas bien ou je vais pas bien, tu elle le saura. Ah ouais. Je sais pas, tout ça est bizarre. Ah ben écoutez, merci beaucoup Laetitia d'avoir été avec nous. On va pas te tenir plus longtemps. Et puis merci d'avoir participé avec nous. On te souhaite une bonne soirée. Salut. Salut. Salut, bonne soirée. Merci. Salut, au revoir. Et puis moi aussi, je vais vous raconter mon histoire paranormale. Vous allez voir, c'est un petit peu moins marrant. Enfin, c'est même complètement nul comme histoire. Je crois que Xavier, tu la connais, mon histoire. Je vous avais déjà expliqué une fois que j'étais chez un ami. Franchement, ça fait peur. Donc, bon, non, pas peur du tout. Non. C'est bizarre. C'est bizarre, mais Xavier, après, c'est peut-être moi qui suis bizarre. Mais bon, j'étais chez un ami, je dormais là-bas et tout ça. J'étais un petit peu plus jeune. Mmh. Et je me souviens, le soir, je descends pour aller aux toilettes ou je sais plus, chercher de l'eau, mais bon, j'étais jeune, donc on s'en fout. Et je me souviens, à un moment, donc en descendant les escaliers, j'ai trébuché à cause du chat. Bon, ouais. Ça c'est. Tu m'as déjà raconté. Mais c'est possible. Je pense que j'ai déjà raconté, mais bon, allez, on se la refait comme ça. Allez, vas-y. Et donc, je me souviens avoir trébuché sur le chat sur les dernières marches, mais bon, je me dis c'est rien. Le chat il passe, il fait nuit. Moi, je suis peut-être à moitié endormi. Je continue. Et le lendemain matin, on me demande ça va et tout ça. Je dis bah oui, mais il m'a quand même fait flipper le chat pendant la nuit et tout ça. Et puis je vois qu'on se fout de ma gueule. Et je dis mais qu'est-ce qu'il y a? Il me dit bah j'ai pas de chat. Enfin, le dernier chat que j'ai eu, il est mort il y a 15 ans. Enfin, tu vois. Et donc je dis mais non, enfin je suis sûr et certain, j'ai eu l'impression de le toucher, je l'ai vu, je n'étais pas somnambule, parce que c'est ce qu'on m'a déjà dit, je ne dormais pas, j'étais complètement réveillé, et je me souviens avoir trébuché sur un chat qui apparemment n'est pas là. Donc je me suis dit peut-être que c'est un chat qui rentre la nuit, on sait pas, peut-être, elle m'a dit non c'est impossible, tout est fermé, et elle a plus eu de chat depuis 15 ans. Mais attention, attention, parce que moi j'ai eu un truc comme ça quand j'étais encore chez mes parents. Ouais. Il y avait mon chat, c'était un gros chat, et j'ai eu ça deux fois. Je me suis réveillée et la première fois, j'ai cru que je le voyais sur mon bureau. Il marchait sur mon bureau. Et la deuxième fois, il était dans mon lit et il paraissait vraiment très vrai, quoi. C'est après, quand j'ai cligné plusieurs fois des yeux, que je ne l'ai pas vu. Donc je pense que parfois, l'esprit peut... Oui, mais de là à l'impression de l'avoir touché, tu vois, parce que je me souviens de... Tu vois, tu descends les escaliers, t'as un truc dans les pattes. Genre, foutu chat, qu'est-ce qu'il faut là? Après, j'étais quand jeune. Il y avait un son, tu as entendu du bruit, c'était ou rien du tout. C'était il y a 10 ans, non, je me souviens juste d'avoir trébuché sur un chat. Mais pas comme si simplement je l'avais vu, je l'ai senti, ce chat. Tu vois, enfin... Ouais, c'est... Je sais pas si j'arrive à bien faire comprendre, mais tant que Xavier m'a compris, c'est le principal. Oh, non, mais on t'a tous compris. Mais si je peux ajouter un truc, là, Claire, elle est pas bien. Depuis tantôt, elle a froid. Non, je crois qu'elle est en train de sentir chaud. Non, mais ça, c'est le coronavirus. C'est non. Non, mais moi, j'avais un peu peur de cette émission parce que je suis hyper fragile avec ça, quoi. J'ai super peur. Et là. On va aller dormir ensemble, Claire. Oui, en plus, moi, je dors toute seule chez moi. J'ai personne. Moi aussi. Moi aussi, je dors tout seul ce soir, si tu veux.